Exercice 2, page 143. A. Je n'aime pas mes ongles. B. On va chez Guy ? C. Tu peux les écouter ? D. Leur car est à côté. E. C'est la grise. F. Cette grève est sans fin !